J'ai des clients au restaurant, il y en a qui connaissent des chansons mieux que moi. Seul sans compagne, t'avais plus ton chien, plus d'amis, personne pour sabrer le champagne, les jours de fête, drôle de vie. Tu avais bien quelques voisins, mais qui ne semblaient pas te connaître. Traverser le palier, c'est loin. Sans doute que le sol était traître. Et puis un vieux qui s'en soucie, sa vie n'intéresse plus personne. T'avais des enfants à ce qu'on dit. Moi j'appellerais ça des charognes. J'en reviens pas l'avoir appris, que personne ne soit venu te voir. Tu étais tombé dans l'oubli, comme si ton monde était à part. Comme si tu n'avais plus droit à l'existence et au sourire. La main qui se tend vers toi, bonjour, ça doit être dur à dire. On t'a retrouvé là ce matin, tu avais même eu la décence de ne pas empester les voisins qui n'ont même pas vu ton absence. T'as retrouvé comme une momie, ton âme devait pas être impure. Tu ne t'es pas décomposé, comme protégé par la nature. Franchement, tout ça me met la rage de voir qu'un petit vieux peut mourir. Ça perturbe son entourage, c'est peut-être ça l'avenir. Demain ce sera une habitude de ne plus s'occuper du voisin. Condamné à la solitude jusqu'à l'écriture du mot femme.